te pleure, un oiseau les siffleurs. Venu je ne sais d'où, un jour calme et doux, pour un instant se reposer. Se vint imprudemment poser sur un boulot au bord de l'eau, sur un boulot au bord de l'eau. Le jour était de ce le soleil dans l'onde, suspendant un instant sa course vagabonde. Se vient coucher, coucher, et c'est ainsi que notre oiseau vit avec le ciel si beau. Sur un arbre au soleil, son corps vermeil. Oh Dieu, croirais-je mes yeux, s'écrit-il aussitôt le monde en pièces noires. Je n'en saurais douter, moi-même je le vois. Au secours, les pleurs dans son cours, qui sans peine m'entraîne, ravit ma vie. Le fleuve dans son cours, qui sans peine m'entraîne, ravit ma vie. La fin du monde annoncée est aujourd'hui commencée. Et nos amis de vie, au sein de la mer commune. La fin du monde annoncée est aujourd'hui commencé, et nos amis de lune au sein de la mer commune.